Bati mamsulo mobetangade. Wasuke chacha wasone a son ponore le loyo. Damba la weto kote ouye même engagé. Wasone a son wasone diebo ponore le loyo. Esuli dans ton côté rouillé, même engagé. Esuli ciel, terre, soleil, oh. Petit point malade, madame le maître d'elle. Ciel, terre, soleil, oh. Bâtiment sous l'eau, mon vent embarré. C'est petit nagom, c'est petit qui n'est en rien, pas ça fait moins. Aïe, moi, c'est garçon, moi, pour tes consommes, c'est pas pour tes toiles. C'est petit nagom, c'est petit qui n'est en rien, pas ça fait moins. Aïe, moi, c'est garçon, moi, pour tes consommes, c'est pas pour tes toiles. Mes amis, ciel, terre, soleil, oh. Petit moi malade, madame le maître d'elle. Ciel, terre, soleil, oh. Bâtiment sous l'eau, mauvais temps barré. Boloko, Bota Guinée, Bota Guinée fort, nous c'est Kouladé. Vivi Dodola, Vivi Dodola, Vivi ou manger maman, Vivi ou manger papa. I know. petit papa n'est pas ça, c'est petit tatan bala, c'est petit papa au goût, c'est petit connaît celui, c'est petit mettre en chemin, moi c'est petit nago. Ciel, belle, soleil, petit moi malade, madame, mettez-vous.